Ok, on commence, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 122 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim, de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé donc à l'endroit dans le livre où le cheikh il continue à expliquer certains des caractéristiques de Quraysh, hein, des Arabes, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « ثم جعل بني آدم فرقتين الفرقتان العرب والعجم ثم جعل العرب قبائل فكانت قريش أفضل العرب ثم جعل قريشا بيوتا فكانت بنو هاشم أفضل البيوت ويحتمل أنه أراد بالخلق يعني بني آدم فكان في خيرهم أي في ولد إبراهيم أو في العرب ثم جعل بني إبراهيم فرقتين بني إسماعيل وبني إسحاق أو جعل العرب عدنان وقحطان فجعلني من في بني إسماعيل أو في بني عدنان ثم جعل بني إسماعيل أو بني عدنان قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة وهم قريش وعلى كل تقدير فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب. Donc le cheikh il dit que, comme on avait expliqué au dernier cours, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé les hommes en deux catégories, ou en deux parties, soit les arabes et les non-arabes. Il a dit, puis il a fait des arabes qu'ils soient divisés en tribus. Puis il a fait que la tribu de Quraysh soit la meilleure parmi les tribus arabes. Puis il a fait que parmi la tribu de Quraysh, il y a différentes maisons, différentes familles. Hein? Et la famille de Hashim, Banu Hashim, était la meilleure de ces maisons-là, ou la meilleure de ces familles. Et donc, ça c'est une explication. Il dit aussi une autre explication, c'est par rapport à la création. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Bani Adam, les fils d'Adam, et les meilleurs parmi les meilleurs d'entre eux, parmi les meilleurs enfants de Adam, il y avait Ibrahim. Puis parmi les enfants de Ibrahim ou des Arabes, il y a eu deux groupes, Bani Ismaïl et Bani Ishaq. La famille de Ismaïl et la famille de Ishaq. Ou bien il a divisé les tribus arabes en deux catégories. Les Arabes de Adnan qui descendent de Adnan et les Arabes qui descendent de Qahtan. Hein? Et il dit, et il m'a fait, moi, c'est-à-dire en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les enfants de Ismaïl, ou bien parmi les enfants de Adnan. Puis il a fait que parmi les enfants de Ismaïl ou parmi les enfants de Adnan, que ce soit des gens qui soient en tribu. Puis il a fait que je sois parmi les meilleurs de ces tribus-là, c'est-à-dire Quraysh. Il dit, peu importe l'explication ou la probabilité ou la possibilité de ces différentes significations-là, dans tous les cas, le hadith est clair et explicite sur le fait de donner précédence ou de donner préférence aux Arabes sur les autres. Puis il dit, et il a clarifié que cette préférence-là oblige de notre part que, hein, ou bien oblige à ce qu'il y ait de l'amour envers la famille de Hashim et la famille de, ensuite, pour la tribu de Quraysh, puis ensuite pour les Arabes. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ce passage-là. Il dit, إذا قصرنا التفضيل في الحديث السابق على بني آدم فإن بني آدم ينقسمون إلى قسمين إلى عرب وعجم. ولهذا قال جل وعلا وجعلناكم شعوبا وقبائل الشعوب هم العرب هم العجم والقبائل هم العرب فالعرب أفضل من العجم والعرب ينقسمون إلى قسمين إلى عرب عاربة وهم قحطانية وعرب مستعربة وهم العدنانية الذين هم ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذرية إبراهيم انقسمت إلى قسمين، إلى بني إسحاق الذين هم بنو إسرائيل، وإلى بني إسماعيل الذين هم الذين منهم بنو هاشم وأفخاذ العدنانية من قريش. فهذا هو التقسيم الثاني لمعنى هذا الحديث. إذن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم من خيرهم بطنا، ومن خيرهم قبيلة، ومن خيرهم جنسا. وهذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم المؤمنين منهم بالدرجة الأولى الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لقريش عموما فهم أفضل من غيرهم، ثم لبقية العرب فهم أفضل من العجم من حيث الجنس. Donc le cheikh il dit que si on regarde sur le plan des fils d'Adam par rapport à la préférence, eh bien on voit que les fils d'Adam ils se divisent comme je l'ai expliqué, arabes et non arabes. Comme Allah il dit dans le Coran, on a fait de vous des peuples et des tribus. Les peuples c'est les non arabes et les tribus c'est les arabes. Et il dit, et les arabes sont meilleurs que les non arabes. Et il dit que les arabes se divisent en deux catégories. Ceux qui sont arabisins, c'est-à-dire les arabes qui sont à la base arabes, qui parlent l'arabe, et ceux-là on les appelle al-qahtaniya, qui descendent de Qahtan. Et il y a les arabes qui ont été arabisés, c'est-à-dire qu'à la base ils parlaient pas l'arabe, mais ils ont par la suite appris l'arabe, ils ont été arabisés. Donc ça c'est les enfants de Ismaïl, on les appelle al-adnaniya. Ok, les enfants de Ismaïl, qui est le fils de Ismaïl, qui est le fils de Ibrahim. Donc les enfants de Ibrahim sont divisés en deux catégories, les fils de Ishaq qui sont Banu Israël et les fils de Ismaïl qui sont les Arabes. Puis il dit parmi eux, il y a, parmi les fils de Ismaïl, il y a Banu Hashim, qui est une des familles, parmi les familles de Quraysh, qui descend de la branche de Adnan. Okay. Et donc ça c'est la deuxième division, si on veut, par rapport à la signification de ce hadith-là. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, était de la meilleure famille, de la meilleure tribu, et de la meilleure ethnie. Et il dit, فهذا التفضيل, il dit, cette préférence, elle exige de notre part qu'il y ait de l'amour pour Bani Hashim, qui sont croyants. Bani Hashim, al-mu'minin. Parce qu'on a expliqué au dernier cours que, le fait d'aimer les gens de Quraysh, c'est par rapport aux croyants d'entre eux, pas les mushrikins, pas les kuffars. On n'a pas le droit d'aimer les mushrikins et les kuffars. Et il dit donc parmi eux, bien entendu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite Quraysh, ceux qui sont parmi eux les croyants, puis parce qu'ils sont meilleurs que les autres, parmi les autres qui sont pas de Quraysh, et puis ensuite le reste des Arabes, parce qu'ils sont meilleurs de façon générale par rapport à cette ethnie. Et il dit وثم روى الترمذي من حديث أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد أيضا عن عبد الله بن الحارث حدثني عبد المطلب ابن أبي ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أن العباس ابن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده فقال صلى الله عليه وسلم ما أغضبك قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لاقونا لاقونا بغير ذلك فقال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل سن أبيه. قال الترمذي هذا حديث صحيح ورواه أحمد في المسند مثل هذا مثل هذا من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد. Donc le cheikh il explique, il mentionne ce hadith là qui est rapporté selon Abi Awana, selon Yazid ibn Abi Ziyad et également selon Abdullah ibn al-Harith. Il dit que Abdul Muttalib ibn Abi Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib m'a mentionné que Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas, le fils de Abdul Muttalib, il est rentré voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son neveu, et il était en colère. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Abdul Muttalib ibn Abi Rabi'a, c'est lui qui dit j'étais présent lorsque l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abbas est rentré, il était en colère. Et il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qui te met en colère? Il a dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que Quraysh a avec nous? Quand ils se rencontrent entre eux, ils se rencontrent avec un visage heureux, joyeux. Puis quand ils nous rencontrent différemment. Ils n'ont pas ce visage heureux ou joyeux. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Jusqu'à ce que son visage devienne rouge. Et il dit, par celui qui tient mon âme en sa main, il dit, yani, la foi n'entrera pas dans le cœur d'un homme jusqu'à ce qu'il vous aime pour Allah et pour son messager. Puis il a dit, ô vous les gens, quiconque fait du tort à mon oncle, il m'a fait du tort. Parce que l'oncle d'une personne, ou l'oncle d'un homme, c'est comme son père. C'est comme son père. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi, c'est un hadith sahih. Il dit c'est un hadith sahih et rapporté par Ahmad dans la Musnad. Également, par selon le hadith de Ismail ibn Abi Khalid, selon Yazid. Il dit Afkhadu Quraysh, كبني مخزوم وبني أمية وغيرهم من العرب من أهل مكة كلهم من بني إسماعيل ولكن عندهم من العصبية والتفاخر الشيء الكثير فكل يريد الرئاسة في مكة ولذلك تقاسموا خدمة البيت ومنهم من عنده الرفادة وهو إطعام الحجاج ومنهم من عنده السقاية السقاية وهي تولي سقيا الحجاج من زمزم ومنهم من يتولى حجاجة الكعبة وسدانتها حجاجة الكعبة وسنادتها يعني تقاسموا هذا في الجاهلية مما يدل على تنافسهم فيما بينهم حتى إنهم احتقروا بني هاشم فلم يجعلوا عندهم إلا السقاية وكانت للعباس ابن عبد المطلب فكانوا يحسدون هذا الحي ويغبطونه ولذلك أدرك العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا منهم فكانوا إذا اجتمعوا يستبشر بعضهم لبعض ولكن إذا رأوا بني هاشم يعني قد قطبوا وجوههم كراهية لهم كراهية لهم وهذا من باب العصبية فأغضبوا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique en fait le contexte de ce hadith-là et pourquoi l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère. En fait, c'est qu'il explique que Quraysh est divisé en différentes familles. Ok, Bani Makhzoum, Bani Umayya et d'autres également parmi les Arabes de des habitants de Makkah. C'est différentes familles descendant des différentes branches de Quraysh. Et il dit, tous sont descendants de Ismaïl. Tous sont des fils de Ismaïl. Sauf que entre eux, il y a des disputes, il y a des compétitions. Chaque famille veut avoir quelque chose pour dépasser l'autre, ou bien pour être au-dessus de l'autre, et pour se vanter par rapport à l'autre. Donc il y a beaucoup de fanatisme et de tribalisme entre eux. Et donc chacun veut avoir la gouvernance de Mecca. Chacune de ces tribus ou de ces familles de Quraysh veut être celle qui est chef ou qui a le dessus sur les autres et qui dirige la Mecque. C'est pour ça que dans la Jahiliya, ils se sont divisés entre eux le service de la Kaaba. Ils se sont séparés les tâches entre eux, étant donné que ils veulent tous avoir être le chef, ils peuvent pas s'entendre sur un chef, donc ils ont dit bon ok, vous allez prendre ça, vous allez faire ça. Comme par exemple Ar-Rifada, une des familles, eux c'est Ar-Rifada. Ar-Rifada ça veut dire quoi? C'est eux qui nourrissent les gens qui viennent à la Mecque, c'est eux qui s'occupent de nourrir les Hujjaj. Il y en a d'autres, c'est As-Siqaya. Siqaya ça veut dire d'abreuver les Hujjaj. Donc quand ils viennent, eux ils sont chargés de donner de l'eau de Zamzam aux gens qui viennent pour faire le Hajj. Et il y en a d'autres, ils s'occupent de la Kaaba elle-même. Et donc ils s'étaient divisés ces tâches-là depuis avant même l'islam. Ils s'étaient séparés les tâches de cette manière entre eux. Et même qu'ils méprisaient la famille de Hashim, Bani Hashim. Et parce qu'ils n'avaient que le fait d'abreuver les Hujjaj. Donc c'est comme si pour dire, eux ils n'ont pas une grosse tâche. C'est pas quelque chose de prestigieux ou d'important comme qu'est-ce que les autres ont. Alors c'est comme si ils dénigraient cette famille, cette partie de Quraysh, ou cette famille de Quraysh. Bon, tu vois, en parlant de notre frère, et bien le voilà. Alaykoum salam. On demandait pour toi, mon frère. Tout le monde demandait quand est-ce que tu allais revenir. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. C'est-à-dire que le cheikh, il a expliqué ça déjà. Dans les cours précédents, on a parlé de ce point-là exactement. Et le cheikh expliquait que, comme par exemple, si on dit que, par exemple, telle famille ou telle tribu est meilleure que l'autre, ça ne veut pas dire que tous les individus de cette tribu-là sont nécessairement meilleurs que tous les individus des tribus autres. Ça veut uniquement dire que, disons que, de façon générale, ils sont meilleurs. Mais ça ne veut pas dire que cette préférence-là, elle est de façon par rapport à chaque individu qui compose cette tribu. D'accord? Comme par exemple, c'est possible que dans d'autres tribus, il y ait des individus qui soient beaucoup plus supérieurs en piété et en taqwa que ceux de la tribu de Quraysh. D'accord? Mais on dit de façon générale, si un musulman de la tribu de Quraysh, il a taqwa et il est pieux et il est un bon musulman, il est meilleur que quelqu'un qui est d'une autre tribu par exemple et qui a aussi de la taqwa. C'est dans ce sens-là en fait. C'est comme quand on dit que les hommes sont meilleurs que les femmes ou supérieurs aux femmes. Eh bien ça c'est une préférence. Allah il dit dans sourate An-Nisa, le verset, il dit oui, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Parce que Allah il a préféré ceux-ci sur celles-ci. Donc ça veut dire qu'il a préféré les hommes sur les femmes. Mais les ulama ont expliqué, ça ne veut pas dire que, par exemple, parmi les femmes, il n'y en a pas qui sont supérieurs ou meilleurs que certains hommes. Comme Aisha radiallahu anha ou Khadija ou bien d'autres parmi les salihat qui peuvent être meilleurs que certains hommes qui sont pas pieux ou qui sont pas croyants. Donc c'est pas une supériorité absolue. Comme le cheikh au dernier cours il expliquait que par exemple un parmi les mushrikin de Quraysh qui fait partie des arabes, qui fait partie de Quraysh, et pourtant il est pas meilleur que un musulman qui est de notre origine, éthiopien ou bien perse, ou bien d'une autre origine comme Salman al-Farisi, ou Bilal al-Habashi, hein, parce que lui il est mu'min, eux ils sont des mu'minines, tandis que Abu Jahl et Abu Lahab c'est des mushrikines, donc ils ont pas cette supériorité ou cette préférence là sur les croyants, tu comprends? Donc ça, il n'y a pas de contradiction entre les deux choses. Naam. Ensuite, aussi c'est comme on avait parlé de ça, parce que le cheikh il a expliqué aussi que les gens de la ville sont meilleurs que les bédouins. Il y a des hadiths comme ça qui expliquent. Et il a expliqué que ça c'est pas de façon absolue non plus. Il peut y avoir des bédouins qui sont meilleurs que des habitants de la ville. D'accord? Et ainsi de suite. Donc ça c'est comme s'il a expliqué cette règle là déjà. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné encore une fois. Non. Donc c'est ça. Pour revenir au sujet, c'est que les tribus entre elles se jalousaient les unes les autres, et puis elles méprisaient, hein, la tribu de Bani Hashim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de Bani Hashim, ainsi que Abu Al-Abbas, hein, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, fait partie de Bani Hashim. C'est possible. Moi, je suis pas comme tellement au courant de ces histoires de famille, des détails, des qui est descendant de quoi, mais il semblerait que oui, il y a des familles qui ont encore des liens de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont descendants de cette famille-là. Et ces gens-là, en général, ils ont leur généalogie pour prouver qu'ils sont réellement des descendants de cette famille. Parce que sinon, il y en a des gens qui le prétendent, il y en a plein. Ça ne veut pas dire que c'est toujours vrai. Parce qu'il y en a qui mentent, parce qu'ils veulent essayer de profiter de ça. Hein? Oui. Mais c'est-à-dire que maintenant, tu sais que ils se sont dispersés sur la terre. Ils peuvent être partout dans différents pays, même dans des pays non arabes. Oui, il peut y en avoir de partout. Il ne faut pas penser qu'ils sont restés à la Mecque pendant tous ces siècles. Jusqu'à aujourd'hui. Non, ils se sont promenés. Regarde les Sahaba. Beaucoup d'entre eux qui sont nés à Mecca, qui sont de Quraysh, Omar ibn al-Khattab, et d'autres, Abu Bakr, et combien d'autres parmi les grands Sahaba qui sont partis par la suite dans d'autres régions du monde musulman, puis qui ne sont pas restés à la Mecque. Il y en a qui sont partis en Irak, il y en a qui sont partis en Syrie, il y en a qui sont partis en Égypte. Il y en a qui sont morts bien loin de la Mecque ou de l'Arabie. Donc, il y en a partout. Et puis, ils se sont mélangés. Hein. Les descendants, même la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ali, radiallahu anhu, Hussein, Al-Hassan, et avec le nombre d'épouses qu'ils ont eues et le nombre de femmes qu'ils ont eues et les différentes. Et donc, ils se sont mélangés avec plein de différentes tribus, plein de différentes personnes. Tu comprends? Donc, c'est sûr qu'ils sont un peu partout, là. Et le cheikh, il dit ensuite, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, hein, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie, comme je disais, de Banu Hashim, et il a remarqué ça, que lorsque les autres familles de Quraysh se rencontraient entre elles, elles étaient joyeuses et souriantes, ils se rencontrent et ils sont contents les uns avec les autres. Puis quand ils rencontrent des gens de Bani Hashim, c'est comme s'ils montrent leur visage, comme s'ils agissent d'une autre façon avec eux, comme s'ils sont pas contents de les rencontrer, ou bien ils ont quelque chose contre Bani Hashim. Comme s'ils les méprisent, exactement. Alors ça, c'était comme une sorte de fanatisme ou de tribalisme. Et ça a mis l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en colère. Alors il est venu se plaindre au messager, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « وَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم غضب لهذا ثم إنه خطب وبين ما لبني هاشم من الفضل وقال لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله يعني للأمرين للإيمان والقرابة كما سبق أن ذكرنا أن القرابة بدون إيمان لا تنفع فلم تنفع أبا لهب وأن الفضل إنما هو للأمرين للقرابة وللإيمان لا للقرابة فقط. والعباس رضي الله عنه يجمع بين الأمرين، فهو من بني هاشم لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل الصحابة يعني من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنصاره، فاستحق هذا فاستحق بهذا أكمل الأوصاف، وإن أبغضه من أبغضه من قريش ومن كرهه حسدا. Donc le cheikh il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, donc il s'est fâché quand il a entendu ça, et il s'est adressé aux gens, il a fait un discours et il a parlé pour clarifier les mérites de Bani Hashim, hein, et pour parler donc de l'excellence de Bani Hashim, et il a expliqué que nul parmi les hommes n'allait avoir la foi qui entre dans son cœur jusqu'à ce qu'il aime, hein, Bani Hashim pour Allah et pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pour les deux choses, c'est-à-dire pour la foi et pour le lien de parenté, hein. Et on a déjà expliqué que si c'était uniquement le lien de parenté sans la foi, ça ne sera pas profitable ou bénéfique à la personne, hein, comme ça n'a pas profité à Abu Lahab d'être l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir un lien de parenté avec lui. Et il dit que dans, donc c'est pour expliquer que le mérite c'est pour les deux choses réunies et non pas une des deux seulement, c'est-à-dire le lien de parenté tout seul ça ne sert à rien. Et il dit que Al-Abbas radiallahu anhu il a lui les deux choses réunies, puisque c'est quelqu'un qui fait partie de la famille de Hashim parce que c'est l'oncle du messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un parmi les meilleurs d'entre les sahaba aussi, hein? Donc il fait partie des gens qui ont suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont défendu, donc il a mérité, hein, ce statut ou ce mérite de la façon la plus complète et de la description la plus complète, même si parmi les gens de Quraysh il y en a qui peuvent le détester ou bien ne pas l'aimer par jalousie. D'accord? Puis le cheikh il dit ensuite: فالرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل بني هاشم وأن من أنكره كان فيه من النفاق ما فيه وكذلك من أبغض العباس وهو قريب الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو عمه وصن أبيه فمن أبغض العباس فقد أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه بيان الفضل لأهله والإنكار على من أنكر فضل أهل الفضل وأعجب بنفسه فهذا فيه بيان الفضل لأهله والإنكار على من أنكر فضل أهل الفضل وأعجب بنفسه وبيان ما لأهل بيت النبوة من الفضل مع الإيمان فإنهم إذا آمنوا بالله ورسوله كان ذلك أفضل بلا شك ولهم حق القرابة وحق الإيمان ولهذا قال لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله يعني للإيمان ولقرابة للأمرين فهم لهم علينا حقان حق الإيمان بمعنى نحبهم في الله لأنهم مؤمنون وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة قالوا معنى القربة يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب محبة المؤمنين منهم وتوليهم زيادة على غيرهم وقيل المراد بالقربة يعني القربات والطاعات وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. Donc le cheikh il dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué le mérite de Bani Hashim et que quiconque refuse d'accepter, hein, ou renie ce mérite ou cette excellence, il a de l'hypocrisie en lui. Donc de la même manière que celui qui déteste Al-Abbas, hein, qui est un des proches du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui est même l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc par conséquent comme l'équivalent de son père, hein. Donc il dit quiconque le déteste, Al-Abbas, alors c'est comme s'il avait détesté le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a dans ça la clarification du mérite de sa famille, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de renier, hein, cela, hein, ou le fait que la personne qui renie ce mérite, c'est comme si il a renié donc cette chose-là. Donc s'il renie ça et qu'il est ébloui par sa propre personne, donc cette personne-là, elle n'a pas de bien, hein. Et il y a une explication aussi dans ça, c'est que les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la foi, ils ont un mérite supérieur aux autres. Avec la foi, il dit, s'ils ont cru en Allah et en son messager, eh bien ça, il n'y a pas de doute que dans ce cas-là, ils sont meilleurs, hein. Il n'y a pas de doute qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils ont, en plus du droit de la foi, le droit de la famille ou de la proximité, des liens de parenté avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il dit, nulle personne n'aura la foi dans son cœur jusqu'à ce qu'il vous aime pour Allah et pour son messager, c'est-à-dire qu'il vous aime par rapport à la foi et par rapport au lien de parenté avec moi, hein. Donc ils ont sur nous deux droits, le droit par rapport à la foi, parce que ce sont des croyants, donc on doit les aimer pour Allah parce que ce sont des mu'minoun, des croyants, et le droit de la parenté, le droit de parenté qu'ils ont avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont un droit particulier, hein, que les autres qui ne sont pas des proches du messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas. Et il dit ensuite, comme c'est mentionné dans le verset 23 dans sourate Ash-Shura, que Allah jalla wa ala a dit, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Donc ça c'est le verset dans sourate Shura, on va lire la traduction. C'est ça. Et quiconque accomplit une bonne action, c'est ça, dit au Mohammed, je ne vous demande aucun salaire si ce n'est l'affection, hein, si ce n'est l'affection, égard, hein, à nos liens de parenté. Il y en est accepté si ce n'est l'affection par rapport à nos liens de parenté. Donc ça c'est une explication. Il dit al-qurba dans ce verset là, ça signifie le lien de parenté avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est obligatoire d'aimer les croyants parmi eux, hein, et de les supporter ou de les défendre plus que les autres. C'est-à-dire plus que les autres croyants. Comme si le fait qu'ils soient des proches du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils ont un privilège sur les autres croyants. Et on doit les préférer ou les aimer plus encore, à cause du lien de parenté qu'ils ont avec le messager d'Allah. Et d'autres ulama ont expliqué que Al-Qurba dans ce verset, verset 23 dans Surah Shura, c'était par rapport au rapprochement qu'on fait avec Allah, les adorations, les actes d'obéissance. Et ils ont dit qu'il n'y a pas de préférence ou d'excellence à quiconque sur une autre personne, excepté par la foi, excepté par at-taqwa, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Le shaykh il dit ensuite, وَهَذَا رَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ عَنْ يَزِيدِ بْنُ أَبِي زِيَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنُ رَبِيعَةَ قَالَ دَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنا لنخرج ونرى قريشا تتحدث فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضر عرق بين عينيه ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. Donc c'est un hadith qui est proche de celui qu'on a mentionné, hein? La différence c'est que Abdul Muttalib ibn Rabi'a, il dit que Al-Abbas est rentré voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que le messager d'Allah il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, on sort et on voit Quraysh qui parle entre eux. Puis, quand ils nous voient, ils se taisent. Quand ils nous voient approcher, ils cessent de parler. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Et il dit, on a vu apparaître une veine entre les yeux du messager sallallahu alayhi wa sallam sur son front. Puis, yani pour montrer qu'il était yani très en colère. Puis il a dit, par Allah, hein, il dit, la foi ne rentrera pas dans le cœur de quelqu'un jusqu'à ce qu'il vous aime pour Allah et pour le lien de parenté que vous avez avec moi. Et donc le cheikh il dit, Naam, inna man abrada bani Hashim, faqad abrada al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa jahada al-fadl li ahlihi, wa hada mimma yunkaru alayhi. فإن الواجب الاعتراف بالفضل لأهله وهذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه ينبغي كذلك توقير أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم من آمن منهم بالله واليوم الآخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم له حقين فإن النبي صلى الله عليه وسلم له حقان يعني حق القرابة وحق الإيمان. Donc le cheikh il dit, oui, parce que quiconque déteste la famille de Hashim, c'est comme s'il avait détesté le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a refusé d'accepter le mérite qui leur revient. Hein? Et ça fait partie des choses qui sont réprouvables, hein, ou blâmables. Donc, l'obligation pour les gens, c'est ils ont le devoir ou l'obligation de reconnaître le mérite de celui qui a un mérite. Hein? Ça c'est d'un point de vue. Et d'un autre point de vue, on peut dire que il faut avoir du respect pour les proches, hein, pour ceux de la famille du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils soient ceux d'entre eux qui sont croyants, qui croient en Allah et au jour dernier, hein, il faut les respecter et les aimer parce que premièrement parce que ce sont des croyants et deuxièmement parce qu'ils ont un lien de proximité ou de famille avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est les deux droits qu'ils ont sur nous. Donc c'est des hadiths que le cheikh il mentionne, c'est des hadiths qui sont proches. Ibn Taymiyyah il a cité plusieurs hadiths comme ça. Il va en mentionner encore peut-être 5-6 comme ça encore. Donc parce que dans chaque narration de ce hadith il y a peut-être des petites variations qui rajoutent, chaque variation rajoute un petit point que l'autre narration n'a pas mentionné, qui fait que ça rajoute un sens ou une compréhension supplémentaire au hadith. C'est pour ça que des fois vous allez voir que certains ulama, ils vont mentionner le même hadith plusieurs fois, mais dans chaque narration, hein, elle est rapportée par un rapporteur différent et peut-être qu'un rapporteur, il a mentionné quelque chose dans le hadith que l'autre narrateur n'avait pas mentionné. Hein, qui rajoute au hadith une compréhension supplémentaire ou une information supplémentaire qui vient, nous aider à mieux comprendre encore qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire. Donc ici il dit فَقَدْ كَانَ عِنْدَ يَزِيدِ بْنُ أَبِي زِيَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ هَذَانَ الْحَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا فِي فَضْلِ الْقَبِيلَ الَّذِي منه النبي صلى الله عليه وسلم والثاني في محبتهم وكلاهما رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد وفيه من كون عبد الله بن الحارث يروي الأول تارة عن العباس وتارة عن المطلب ابن أبي وداعة والثاني عن عبد المطلب ابن ربيعة وهو ابن الحارث ابن عبد المطلب وهو من الصحابة. قد يظن أن هذا الاضطراب في الأسماء من جهة يزيد وليس هذا موضع الكلام فيه، فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير، لا سيما وله شواهد تؤيد معناه. Ici il parle des différentes chaînes de transmission de ce hadith et des différentes personnes qui ont rapporté ce hadith là, et il explique que il mentionne les noms des rapporteurs et ceux qui ont été mentionnés, leur nom est mentionné d'une façon raccourcie ou bien un surnom, et bien il mentionne leur nom au complet ou qui ils sont réellement, et il dit que ces paroles qui sont mentionnées dans ces hadiths-là, il dit que la preuve est établie par rapport à ce hadith-là dans tous les, de tous les points de vue, parce que il y a beaucoup de narrations et de versions de ce hadith qui se supportent les unes les autres, et qui, ou bien qui supportent la signification de ce hadith-là. Et par rapport à ce hadith, ou par rapport plutôt à ce commentaire de Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Fawzan il dit: هذا الحديث وإن ظن أن فيه اضطرابا لأنه تارة يروى عن عبد المطلب بن وداعة وتارة عن عبد المطلب بن أبي ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب فهذا لا يعد طعنا في رواية الحديث لأن له شواهد تقويه و فضل هذا البطن من قريش ثابت بالأدلة الأخرى وإنما هذا يعني يذكر للاعتضاد لا للاعتماد عليه وحده. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique que si certaines personnes croient que il y a des problèmes dans la narration par rapport à la transmission de ce hadith, à cause que parfois il est rapporté par Abdul Muttalib ibn Abi Wada'a, et d'autres fois il est rapporté par Abdul Muttalib ibn Abi Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Il dit ça ne représente pas une chose qui, disons, rend le hadith qui rend que, ou qui fait en sorte qu'on on va par exemple rejeter ce hadith là il dit parce qu'il y a d'autres témoins, d'autres narrations qui viennent renforcer cette narration-là, et d'autres significations aussi. Et donc, il dit que, par exemple, le mérite de la famille de Bani Hashim, de cette famille de Quraysh, elle est établie par d'autres preuves également. Et donc, le fait de mentionner ces narrations-là, c'est uniquement pour venir renforcer cette signification-là, et non pas pour se reposer sur elle seulement, pour essayer d'établir cet élément-là. Donc des fois, par exemple, c'est ça que tu vois, que certains ulama ils vont mentionner des hadiths qui sont faibles, hein, seulement pour supporter un point qui est déjà établi par d'autres preuves également, non pas pour se dépendre uniquement sur ces preuves-là, mais uniquement pour rajouter plus de force à l'argument lui-même. Et le cheikh il dit ensuite, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit: ومثله ايضا في المساله ما رواه احمد ومسلم والترمذي من حديث الاوزاعي عن شداد بن ابي عمار عن واثله ابن الاسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم وهكذا رواه الوليد وابو المغيرة عن الاوزاعي. Donc il dit que également par rapport à cette question là il y a le hadith qui est rapporté par Ahmad, par Muslim et par At-Tirmidhi selon al-Awza'i, c'est un hadith rapporté par al-Awza'i qui dit que selon Shaddad ibn Abi Ammar, selon Wathila ibn al-Asqa' radiyallahu anhu, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Kinana parmi les fils de Ismaïl, et il a choisi Bani Hashim parmi les familles de Quraysh, et il dit: et il m'a choisi moi parmi les fils de Hashim, il m'a choisi moi parmi les fils de Hashim. Et ça, c'est rapporté selon par Al-Walid et Abu al-Mughira an al-Awza'i. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit: وهذا في العرب العدنانية اصطفى منها كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار وليس كما يقول من قال إن هذا الفضل قاصر على الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما نسبه وهذا قول باطل. Donc le cheikh il dit que yani dans les Arabes al-Adnaniya, hein, les Arabes de descendants de Adnan qui ont été arabisés comme on l'a expliqué tout à l'heure, il a choisi Kinana. Et il a choisi de Kinana la tribu de Quraysh. Et il a choisi parmi la tribu de Quraysh la famille de Hashim. Et parmi la famille de Hashim, il a choisi le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le meilleur des meilleurs. Hein? Et il dit, et non pas comme certains l'ont dit, que le mérite était limité uniquement au messager lui-même et non pas à sa généalogie ou à sa descendance. Il dit ça, c'est faux, cette parole. Ensuite, il cite un autre exemple une autre narration de ce hadith-là. Il dit, « وَرَوَاهُ أَحْمَدْ وَالتِّرْمِذِي مِنْ حَدِثِ مُحَمَّدْ بْنُ مُصْعَبْ عَنِ الْأَوْزَاعِي وَلَفْظُهُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمِ إِسْمَعِيلِ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلِ بَنِي كِنَانَةِ الْحَدِيثِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. Donc il dit que il est rapporté par Ahmad et Tirmidhi selon le hadith de Mus'ab, Muhammad ibn Mus'ab, qui est rapporté par Al-Awza'i, et les phrases qui sont mentionnées ou l'expression qui est mentionnée dans cette narration là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les fils de Ibrahim Ismaïl, et il a choisi parmi les fils de Ismaïl Bani Kinana. Hein? Et At-Tirmidhi a dit, ça c'est un hadith qui est hassan sahih. Cheikh Al-Fawzan il dit, Waladu Ibrahim alayhi salam nawa'an. Banu Ismail, wahum al-Arab al-Ariba, wa banu Ishaq, wa minhum banu Ismail. Yani li anna bani Israël, yani hum banu Ya'qub ibn Ishaq. Fa Israël, huwa Ya'qub alayhi salam. فهذا هو التقسيم للعرب العدنانية وهذا يدل على أن ولد إبراهيم عليه السلام يتفاضلون يعني فبني إسماعيل أفضل من بني إسحاق ولهذا كانت خاتمة الرسالة فيهم وهذا الرسول منهم بعث إلى الجن والإنس أي إلى الثقلين وكانت رسالته عامة وباقية إلى أن تقوم الساعة فهذا يدل على فضل بني إسماعيل بما فضلهم الله بهذا الرسول وهذا القرآن الذي هو بلغتهم وهذا الخير الذي أوجده الله فيهم ولذلك حسدهم بنو إسحاق وهم اليهود والنصارى وحسدوا العرب على هذا الفضل وامتنعوا من الإيمان وهم يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق وأن ما جاء به حق وهو موجود عندهم في التوراة والإنجيل فهم من باب الحسد كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فحملهم الحسد على الكفر والعياذ بالله آثروا الإقدام على النار لأجل التمسك بعصبيتهم حتى إنهم يفتخرون بذلك ولذلك فهم مصرون على ما هم عليه قال تعالى حاكيا قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله وقولهم كونوا هدى أو نصارى تهتدوا وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وهذه منهم عصبية ممقوتة لأن الواجب على المسلم أن يتبع الحق يعني مع من كان فالحق ضالة المؤمن ولا يحجر على الله عز وجل أن يجعل رسالته فيما يختار سبحانه وتعالى فقد قال سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Donc le cheikh il dit que les enfants de Ibrahim alayhi salam sont de deux sortes, ils sont divisés en deux, les fils de Ismaïl qui sont les Arabes et les fils de Ishaq qui sont les fils de Israël. Bani Israël, on les appelle. Hein, il dit parce que, en fait, Bani Israël, ce sont les fils de Yaqub, qui sont eux-mêmes les fils de Ishaq. Parce que Yaqub est le fils de Ishaq, et Ishaq est le fils de Ibrahim. Et Yaqub a eu 12 fils, et c'est de ces 12 fils que sont descendus les 12 tribus qu'on appelle les tribus de Bani Israël, les fils d'Israël. Israël, c'est le nom du prophète Yaqub alayhi salam. Donc cette division pour les Arabes, Al-Adnaniyah, qui descendent de Adnan, il dit ça indique que les fils d'Ibrahim, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Parmi les deux fils, il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est bien entendu son fils Ismaïl. Ceux qui descendent de Ismaïl sont meilleurs que ceux qui descendent de Ishaq. Et c'est pour cette raison-là que le message de la prophétie et le message de la religion a été scellé par le messager qui descend de Ismaïl, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé aux hommes et aux djinns. Donc, qu'est-ce qu'on appelle en arabe Al-Thaqalayn, les deux mondes. Et son message, contrairement au prophète précédent, il n'est pas limité à un peuple spécifique ou à une époque spécifique, mais son message, il est universel. Il est jusqu'à la fin des temps et il est adressé à tous les peuples, sans exception. Donc ça, c'est qu'est-ce qui indique le mérite et l'excellence des fils d'Ismaïl à cause de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme mérite et qu'il a préféré ce messager. Et donc, également parmi les exemples de mérite et d'excellence, c'est que Allah lui a donné ce Coran. Le Coran qui est dans leur langue, dans la langue arabe. Et, yani, ce bien que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, qui est présent parmi eux. Pour cette raison-là, les fils de Ishaq, parmi les juifs et les chrétiens, ont été jaloux d'eux. Et c'est cette jalousie, envers les descendants de Ismaïl, les Arabes et ce messager, qui les ont amenés à refuser d'accepter la foi. Donc ils savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un vrai messager, et que le Coran est vrai, et que ce qu'il a ramené est vrai, est véridique. Et ça c'est écrit dans leur livre, dans la Torah et dans l'Injil. Mais à cause de la jalousie, ils ont rejeté et renié la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est leur jalousie qui les a amenés à la mécréance. Donc ils ont préféré aller en enfer, ils préfèrent aller en enfer pour pouvoir rester accrochés à leur fanatisme, et à leur tribalisme et à leur fierté nationaliste, plutôt que d'accepter la vérité et d'aller au paradis et d'accepter la foi. Donc, ils se vantent même de ça, comme Allah il le montre dans le Coran par rapport à leurs propos, comment ils insistent à vouloir rester sur ce qu'ils ont suivi comme fausseté. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça à leur sujet dans le verset 73 dans Surat Al-Imran, lorsqu'ils se disent entre eux, « Ne croyez à personne excepté ceux qui suivent votre religion ». C'est-à-dire, même si quelqu'un vient avec la vérité, mais qui n'est pas de votre religion, n'acceptez pas ce qu'il dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dit au Muhammad, la guidance, c'est la guidance d'Allah. C'est celle qui vient d'Allah. Et le verset 135 dans Surat Al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne leur propos, le propos des juifs et des chrétiens, ils ont dit, kunu hudan aw nasara tahtadu. C'est-à-dire, soyez juifs ou chrétiens, vous serez bien guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également à son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Ça, c'est le résultat de leur fanatisme, détestable. Et il dit que par contre, pour le musulman, qu'est-ce qui est obligatoire pour lui, c'est d'accepter la vérité, peu importe de qui elle vient. peu importe de qui elle vient. Même si c'est un kafir qui te dit la vérité, tu dois l'accepter. Hein? Tu ne veux pas dire, ah non, parce que toi, t'es un kafir, je veux pas accepter qu'est-ce que tu dis qui est vrai. Hein? Puis si un musulman te dit quelque chose de faux, tu l'acceptes de lui parce qu'il est musulman. Non, c'est pas comme ça. Tu acceptes la vérité de celui qui dit la vérité. Et tu rejettes le faux de celui qui dit le faux. Peu importe. Hein? Et le cheikh, il dit, c'est ça, on va pas limiter ou restreindre la vérité et l'accepter uniquement de ceux qui sont avec nous et la rejeter quand elle vient de quelqu'un d'autre. Ou si quelqu'un d'autre nous dit quelque chose de vrai, on ne l'accepte pas. Non. Donc, il dit, na'am, wala yuhjar ala Allahi an yaj'ala risalatahu fima yakhtar. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide. Où est-ce qu'il met son message? Tu ne vas pas limiter Allah subhanahu wa ta'ala et lui dire où il doit mettre son message. Comme les juifs, eux, ont dit, non, s'il y a un messager qui doit venir, il doit absolument venir de notre côté. Pas venir des autres. Hein? Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 124 dans sourate Al-An'am, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux où il place son message. Et le verset 29 dans sourate Al-Hadid, hein, pour que les juifs, hein, ou les chrétiens, les gens du livre sachent qu'ils n'ont aucun pouvoir sur la grâce d'Allah. Et que la grâce est entre les mains d'Allah, il la donne à qui il veut, et Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur d'une grâce immense. Hein, une grâce immense. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera la suite de ça la semaine prochaine, pour le livre de Iqtida Salat al-Mustaqim, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله demain on va avancer un peu le Isha, on va le mettre à 9h15 parce que sinon ça c'est trop limité le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Naam.